Vos filles et vos sœurs, il nous suffit d'un sourire pour les séduire. En plein soleil, une fille d'or, étalant ses longs cheveux blonds sur un voilier qui rentre au port. Elle est à nous si nous voulons, nous les playboys. Les tombeurs qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs, il nous suffit d'un sourire pour les séduire. Tu lui dis sans la regarder, il est pas mal votre bateau, le mien avait deux cheminées, et puis tu lui tournes le dos. Nous, les playboys, les donjons, les tombeurs, qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs, il nous suffit d'un sourire pour les séduire. Le soir, tu l'as dans tes bras et tu lui offres un dernier pot en parlant du problème chinois. Et puis tu l'amènes au dodo, nous les playboys, les donjons, les plaies, les tombeurs, et oui, et oui, la di da da, tchadam da dam da da. Il nous suffit d'un sourire pour les séduire.